arrive à la fin de l'album. On va se quitter sur une bonne touche. Et ouais, comme toute bonne chose, y'a une fin. Je tiens à remercier tous les beatmakers qui ont travaillé pour mon projet, qui m'ont fait confiance. Merci, merci beaucoup. À mon équipe Mike Leak Prod, Dur Dur Tonton, K2OL, la liste est longue les frères, donc je vous remercie tous. À ma famille, ma mère, ma soeur, ma femme, merci de me soutenir dans les moments un peu plus durs. Merci, ouais, STS Studio, Dina, merci. Au plaisir de travailler dans de bonnes conditions. Des journées bien remplies, la bonne fatigue. Sincèrement, merci. C'est ma pièce maîtresse. J'espère que vous avez apprécié. On fait de la musique. Je remercie Dieu le Tout-Puissant m'avoir donné la force. Et ouais, c'est du travail tout ça. À tous les soldats qui se déplacent dans les concerts, tous les fidèles, merci beaucoup de me suivre jusqu'au bout. Ce n'est que le début, ouais, c'est que le début. À tous mes aînés, les grands frères, on fait de la musique, ouais. Mon équipe Mike Leak Prod, tous les frais qui savent, DJ Kiaz, tu le sais hein. À toutes les structures qui m'ont accueilli, qui m'accueillent et qui m'accueilleront. Negro Diox et K.E. Marmo du ciment, trois gars les prod. On est ensemble jusqu'au bout. Je vous l'ai dit, c'est pas fini. Non, non. Merci. Un grand respect à vous tous. Merci beaucoup. On va se revoir bientôt. Ce ne sont que des au revoir. Donc, c'était pour vous remercier vraiment avec un grand cœur. Voilà. C'est sans prétention, je reste le même hein. Reste fidèle à nos principes, fidèle à nos valeurs.